dans le pipadou. Bouge ton corps sur le son, bébé. Benchico met l'ambiance, tu le sais, soir ça cire les caisses. Les meufs sont belles comme le jour, la bélave de partout. Un nuage de fumée d'ambiance m'emporte dans un autre monde. Bébé, ce soir les stars guidés par le son et la danse. Ça danse, ça danse, ça danse. À 380, décollage immédiat.